Pardonnez un peu du retard parce que aujourd'hui on a un peu plus du temps juste pour vous faire le condensé de la journée numéro 2. Donc aujourd'hui j'ai dit ce que nous avons vu et basiquement selon le programme que vous suivez, on a beaucoup plus passé le temps sur ce terme de purification. Nous l'avons vu donc sur tous les angles. Les purifications d'abord matérielles, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre corps, le corps physique, les matériaux autour de nous, maintenant les éléments qui servent à la purification. Nous avons parlé donc de la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que la vidéo sera disponible, mais elle n'a pas, comme je vous l'avais promis, ce serait injuste pour ceux qui ont dépenser les sous pour venir au séminaire. Donc pour moi, il serait juste de pouvoir vous projeter ça le moment venu. Hein. Je vais l'envoyer donc en studio. L'opérateur ou le technicien va bien travailler, hein, peigne fin, sa façon, pour que cette vidéo soit disponible. Mais rassurez-vous, j'ai pu donc, avec mon équipe ici, on s'est débrouillé à pouvoir payer. Ça coûte un peu plus cher, hein, rassurez-vous, ici ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. On a pu donc acheter des capacités de. Comment dirais-je, en termes des bits, on a pu acheter en quantité suffisante pour que. Et aujourd'hui et demain, quelques séances vont être couvertes. Sauf la journée de samedi, comme je vous ai dit, ce sera strictement interdit au public. Parce que samedi, nous serons dans la mère nature, nous serons à la forêt et probablement en pleine mer, puisque c'était ça le désir. C'était ma suggestion et tout le monde a accepté. Et ce soir, donc, nous sommes entendus que ce soit ainsi. La seule chose, comme vous êtes au courant, tous ceux qui sont en France, vous avez sûrement suivi. Aujourd'hui, c'était la journée morte. Hein. Tous ceux qui sont sur le territoire français savent ce que c'est la journée morte. Donc, effectivement, il y a eu. Pardon, c'est pas journée morte. Ils appellent ça journée noire. Pardonnez-moi. Donc, aujourd'hui, il y a eu journée noire hein, dans toute la France. Et malheureusement, ça risque d'être la même chose demain. Donc, j'ai dû perdre certaines personnes. Certaines personnes ont été empêchées. Enfin, pas de leur propre faute. Hein. Les transports les ont empêchés d'être présents. Et puis d'autres qui s'apprêtaient à venir également aujourd'hui n'ont pas pu faire le déplacement, tout simplement parce que cette affaire de, comment on l'appelle, de journée noire, hein, ça a été décrété. Et vous savez très bien que les gilets jaunes sont en grève depuis un bon moment. Donc tous les gilets jaunes et de tous les syndicats, le sujet, moi-même je suis venu sur place d'actualité, moi je suivais sur les réseaux et les forums, maintenant je découvre sur place qu'effectivement cette affaire-là est sérieuse parce que le gouvernement en place ici ne veut pas céder quant à leur décision de revoir un peu le traitement des retraités. Donc ça c'est le sujet qui est à la une et il y a bien d'autres problèmes que vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre. Je ne suis ici que quelques jours. Certes, je connais un peu la France, mais voilà ce que je peux vous dire. Donc, ça a affecté un peu la présence. Et comme vous allez le constater dans la vidéo, quand nous allons vous la projeter, nous avions à peine peut-être une quinzaine ou une vingtaine de personnes seulement qui étaient présentes. Et parmi ces personnes, il y a la majorité, plus la majorité qui ne voulait pas qu'on montre leur visage. Donc, vous constaterez que dans cette caméra, dans le film qui a été tourné ce soir par l'équipe, seule une petite frange partie des personnes étaient dans la caméra, y compris moi. Et vous allez être aussi gâtés parce que là-dedans, je démontrais les techniques de purification traditionnelles. Comment nos ancêtres se purifiaient. Et je fais vivre en live la technique de purification kabbalistique, telle a été demandée par certains d'entre vous qui pratiquaient le livre bleu. Donc cette technique est diffusée là-dedans, sans aucune erreur. Vous pouvez donc tranquillement répéter cette technique avec les sons. Et parmi l'assistance, je suis très content également de constater que, puisque l'assistance avait le souci des sons, ils se sont dit, mais il y a un problème là, parce que vous, quand vous prononcez Vegueboura, Vegueboula, Ça nous sème la confusion. Et puis, les génies n'aiment pas la mauvaise prononciation, comme je l'ai toujours dit dans les enseignements. Il faut prononcer correctement les noms de ces génies-là pour éviter de semer la zizanie. Ou bien, au lieu d'appeler un génie bon, vous allez vous retrouver un génie mauvais, c'est-à-dire appeler un démon. Donc, pour éviter cela, j'ai donné donc le site www.moriation.com. Donc, j'étais surpris ce soir-là, à peine je rentre manger là avec le groupe, que finalement, certaines personnes ont commandé le livre immédiatement. Donc, ils ont commandé le livre bleu. Et moi, chose que j'avais oubliée il y a près de 25 ans, il y a également une cassette audio avec les sons. Donc, comment vous pouvez prononcer? Il y a les sons dedans. Tout est accompagné. Donc, vous n'aurez pas de soucis si vous le commandez, pour ceux qui sont en France ou bien ailleurs. Effectivement, demain, ça va être un enseignement qui va être beaucoup plus sur la mystique chrétienne. Sur cette mystique chrétienne, ce sera la pratique de toutes les paroles secrètes, les paroles prononcées par les prophètes, telles que je vous ai créé pour un plan de bonheur et non un plan de malheur. Je vais pouvoir expliquer pratiquement qu'est-ce que ça veut dire et comment vous pouvez faire en sorte que cette parole devienne une réalité dans votre vie. Au lieu de dépenser de l'argent, aller chercher des marchands, des vendeurs d'illusions ou aller chercher des charlatans. Une fois de plus, comme hier, j'ai été encore inondé par une très forte demande de consultation. Ce matin, j'ai reçu beaucoup de personnes en consultation, ça s'est très bien passé. Et là, à cause de cela, ben voilà, ça attire d'autres personnes. Mais j'ai été clair, et tout le monde le sait, je ne suis pas un charlatan, hein, ni un voyant de profession. Je suis un maître initié, je suis un logologue, quelqu'un qui est branché dans la logologie, c'est-à-dire la science des sciences. Et par conséquent, c'est vrai que j'ai des dons, ces dons de télaudience, les dons de télévoyance. Bon, écoutez, les gens se disent, oui, ce mec-là ne peut pas être un maître s'il ne peut pas nous consulter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des maîtres, mais qui ne sont pas forcément des voyants. Bon, je me suis dit donc, ok, peut-être certains veulent tester un peu, veulent tester si vraiment mes génies sont avec moi. Bon, écoutez, je me suis donc porté volontaire. Au point où je suis moi-même débordé, et ceux qui me suivent sur vidéo, je sais qu'ils sont là dans la chambre d'hôtel où ils sont, ils vont être peut-être surpris. Demain, je serai obligé d'annoncer et d'annuler parce que j'ai besoin de me reposer moi-même, j'ai besoin de travailler sur moi-même. Comme je vous l'ai toujours dit, que un homme spirituel doit être toujours occupé. Bon, c'est vrai que les consultations font partie des occupations, des choses qui doivent m'occuper spirituellement, mais il faut également faire mes méditations. Et là, comme vous le constatez, il est presque minuit. Hein, à quelle heure je dois méditer? Et puis demain, je dois, dès 10 heures, je dois recevoir, je crois, 3 ou 4 personnes. Quand je regarde mon carnet, j'ai une bonne. Il y a plein de personnes là que je dois recevoir, hein, si je ne me trompe pas. Et à la fin, voyez-vous, ça consomme et les énergies et le temps. Je vais essayer de regarder mon carnet là. Et voilà, dans mon carnet, je me rends compte que. C'est combien de personnes? Voilà. Une, deux, trois, quatre personnes. Non. Trois personnes pour demain. Et après-demain, il y aura au moins quatre. Et vous comprenez que chaque consultation dure en moyenne entre 30 minutes, voire 1 heure. Parce que quand vous rentrez, je rentre droit dans le but, je fais des révélations. Et puis les personnes continuent à persister, à trop poser des questions. On mélange tout. On parle maintenant de. Ah oui, dans ce cas, moi, donc il me faut une solution pour ceci, faites-moi des travaux, alors qu'ils viennent pour des consultations. Donc vous comprenez que ces consultations peuvent enchaîner directement à la demande des travaux. Mais pour tous ceux qui sont présentement au séminaire avec moi ici en France, rassurez-vous qu'il y a même certaines demandes que j'ai dû rejeter parce qu'il y a des éléments qui manquent. Okay? Je ne suis pas dans la forêt gabonaise. Je ne suis pas non plus au Tibet ou au Brésil. Donc. Ce que je voulais dire, c'est que le peu même que j'ai dû amener, j'ai dû avoir des problèmes avec mes parents américains là-bas. Parce qu'ils m'ont demandé, oh, toi tu amènes tout cet arsenal là où ils commencent à poser trop de questions. Oh, mais ça c'est quoi? Oh, ceci, cela. Je leur dis, je suis un chaman, je suis un logologue. Le logologue, c'est quoi? What the hell? Et quand je leur ai expliqué, ils disent, non, vous êtes charlatan? Je dis, non, je ne suis pas charlatan. Donc vous voyez, l'étiquette de charlatan, cet homme qui vient vous donner certaines visions, qui va commencer à accuser vos familles, vous raconter n'importe quoi, ça ne me ressemble pas. Moi, quand je consulte, je m'adresse à vous, à vos problèmes. Je les tape et je vous donne votre responsabilité. Maintenant, si ce n'est pas votre responsabilité, vous-même, je vous donne les révélations et cette personne va vous dire oui, c'est vrai, parce que nous avons été ailleurs. Et je me suis rendu compte que certains sont venus juste peut-être me tester Et ils se rendent compte que les révélations qu'ils ont eues à gauche, à droite, ce sont les mêmes qu'ils retrouvent chez moi. Donc, ce n'est pas grave, hein, en tout cas, puisqu'ils ne font pas ces consultations gratuitement. Tant mieux. Les consultations, je me suis rendu compte que ça a été le point fort. Alors que je l'ai répété devant l'Assemblée que, écoutez, je suis venu pour donner un séminaire sur des enseignements de l'éveil de la conscience. Votre éveil de la conscience, ça ne se passe pas par des consultations. Certes, je vous dis la vérité, je vous dis voilà, vous avez tel problème, les raisons du problème, c'est ceci. Et je viens confirmer ce que d'autres personnes ont dit. Vous dites oui, bah c'est ceci, cela. Je dis ok, maintenant, est-ce que c'est ça qui va éveiller votre conscience? Non. Donc, c'est vrai qu'il faut chercher à comprendre sa vie, il faut chercher à connaître. Mais écoutez, c'est juste pour vous dire que la journée d'aujourd'hui a été beaucoup mouvementée. Suis-je un peu fatigué? Oui, légèrement. Parce que passer plusieurs heures d'abord de consultation, il fallait que je me précipite, me rendre là-bas pour présenter l'enseignement sur les purifications. Donc, j'ai fait un brassage de différentes formes de purification, le soleil, comment vous purifiez avec la boue ou bien la terre, j'ai expliqué ça. Comment vous purifiez avec l'eau, j'ai expliqué la technique live. Comment vous pouvez vous purifier à travers la mystique chrétienne, il y a des techniques chrétiennes qu'on trouve dans la Bible que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire la fameuse technique, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans le puissant, dans le nom de Dieu et tout et tout. Voilà, ça c'est une technique très efficace qui peut même vous protéger contre les miasmes du bas astral. J'ai expliqué tout ça, je ne vais pas jeter du sable, je vous le répète, que la vidéo va être prête. Vous serez très content, mais la vidéo d'abord doit être bien travaillée en studio avec une bonne présentation. Hein. Je compte bien sur mon fils là. Sur Kobolo, mon petit Kelly, il va bien faire ce travail-là. Et donc, qu'est-ce que nous avions parlé d'autre? Nous avons insisté sur les rites. Également, dans nos rites gabonais, il y a des purifications. Je ne suis pas rentré dans les détails techniques, je n'ai pas voulu rentrer dans nos secrets, n'est-ce pas, de nos rites. Et je suis revenu, vous verrez au début de la vidéo, j'ai fait une révision sur ce que nous avions fait hier, parce que hier, j'avais omis certains détails. En fait, c'était fait exprès à cause du temps. Et puis j'étais un peu fatigué. Donc aujourd'hui, je suis revenu maintenant expliquer la notion sur la rose-croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'auditoire a finalement appris que le terme rose-croix ne s'applique pas forcément aux religions chrétiennes. Donc j'ai donné l'explication de ce qu'on appelle la rose qui est sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire la rose? Qu'est-ce que ça veut dire la croix? En réalité, nous sommes la croix. En réalité, notre conscience divine, c'est la rose. Mais que cette rose qu'il faut l'expandre, il faut la faire grandir. Tout comme vous prendrez une rose que vous allez mettre autour d'une croix dans le cimetière, un an plus tard, vous verrez que cette rose va grandir autour de la croix. Et la croix aura tendance à disparaître parce qu'elle est absorbée et couverte de la rose. Et cette rose, pour nous, en tant qu'initiés, c'est la conscience cosmique universelle, celle que nous appelons Tetamwanga, ou encore Dieu. Lorsque vous rentrez en connexion avec lui, lorsque vous faites un travail de recherche intense, lorsque vous vous développez vous-même, vous développez votre esprit, ce qui est le but, n'est-ce pas, de ce séminaire que je suis venu faire chez vous en France, séminaire sur l'éveil de la conscience. Donc cet éveil de la conscience, justement, cela est là le grand but, l'éveil de votre conscience selon la compréhension, de la rose-croix. Je répète que ce n'est pas la rose-croix que vous connaissez, ni la rose-croix à morgue, qui est beaucoup plus connue au Gabon, ou bien la rose-croix d'or, que beaucoup de gens connaissent, qui est beaucoup plus une rose-croix gnostique. Mais je suis beaucoup travaillé sur la symbolique, c'est-à-dire sur le symbole de la rose. Parce que même, ça m'avait gêné que j'étais même monté jusqu'au grade de maître dans la rose-croix, au grade de hiérophantès, mais nous n'avions jamais eu une explication assez poussée, assez métaphysique et poussée de la rose sur la croix. Donc, en résumé, ce qu'il fallait retenir sur ce petit détail très important qui ne devait échapper à personne, c'est que la rose, c'est votre conscience divine qu'il faut mettre en éveil dans toutes les dimensions et que la croix, c'est vous. Voyez-vous, nous sommes cette croix. Cette croix, vous êtes vous-même sur votre propre croix parce que sur cette votre propre croix, vous naissez, vous êtes sur cette croix, vous pouvez mourir sur cette croix. Et vous pourrez également ressusciter sur cette croix. Voyez-vous, donc la croix, c'est ce symbole de la rencontre de tous les éléments. Et voilà pourquoi il y avait également une technique en rapport avec la croix qu'on appelle la technique de purification par la croix des éléments, donc par les cinq éléments. Donc les gens ont appris ces cinq éléments-là, alors que généralement on connaît seulement quatre, n'est-ce pas? Nous connaissons l'élément air, terre, eau et feu, mais il y a un cinquième élément qui permet l'activation immédiate d'accélérer le processus de purification dans votre corps en vous faisant ce signe-là. Donc c'est un peu ça de quoi nous avons parlé aujourd'hui. Juste pour vous dire, ceux qui n'ont pas pu suivre le live, comme je disais, jusqu'à la fin du séminaire, j'avais promis il n'y aura pas de live. Hein? Mais nous avons commencé à faire le condensé. Donc d'entrée de jeu, aujourd'hui, il y a la vidéo qui a été disponible. En plein studio, nous allons arranger ça. Donc, soyez patients. D'ici mon retour au niveau des États-Unis, la vidéo va être projetée, on verra bien, soit sur Kobolo ou bien sur Tatan Zambé le Tout-Puissant, afin que le plus grand public ait accès. Parce que je sais qu'on est près de 2000 abonnés sur YouTube, on est plus de 3 ou 4 000 abonnés sur les différents comptes de Facebook, à gauche et à droite, sur les forums, là nous sommes déjà plus de 500, les forums de sous le Baobab. Alors imaginez-vous, hein, ceux qui n'ont pas pu avoir les moyens de venir à ce séminaire ou conférence pourront éventuellement profiter de ce que vous n'avez pas pu voir, ce qui était fait dans les couloirs. Donc aujourd'hui, je vous promets une fois de plus, ça a été mis en direct. Bien, je vais ici donc pas vous projeter, mais vous permettre de vivre les quelques moments. Pardonnez-moi. Ok, pardonnez-moi. Je vais vous permettre quand même de vivre les quelques moments de ce que nous avons, parce que j'ai pu enregistrer ça via mon appareil ici, ok? Alors j'espère que ça a été sauvegardé. Oh, tiens, c'est là. Il n'y a même pas de son, c'est bizarre. Oh là là, comment ça s'est passé? Oh là là, mais là, c'est pas bon. Écoutez, il faut que je revoie avec le technicien. Là, c'est déjà un défaut, là. Je ne sais pas, le son a été coupé. Alors là, ça, c'est un problème. On a fait un travail bidon, là. Pardonnez-moi. Alors là. Je vais pouvoir engueuler mon technicien, là. Oh là là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Je ne suis pas du tout content. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Oh, ben voilà pourquoi, c'était un mute, ce n'était pas au son. Oh là là. Bon. Jeez. Donc, toutes ces heures-là que nous avons enregistrées, c'était dans l'eau. Que je panique pas d'abord. Ah, non. Merci. Elle est là. Je l'ai retrouvée. Écoutez, je ne vais pas vous montrer, mais écoutez seulement. Bien. Bon, là c'est une phase de la technique de purification selon l'arbre kabbalistique et selon la magie des cinq éléments. Ça, Okay. c'est la technique de purification Vous pouvez écouter, voilà. selon la cabale et selon nos traditions. La question. Vous avez oublié la question. Ah non, c'est simplement par rapport à la photo et la copie. D'accord. Oui. On va faire de ma vie à identifier. Sinon, je vous conseille de mener le livre vous-même. Et rassurez-vous que ce livre va faire. Les gens qui ont insisté, c'est parce que, je disais, il y a un monsieur français qui vous connaît. Bon, c'est juste une partie. La technique de l'eau. Et là, je Cette parle. purification, elle n'a rien à voir avec les ablutions de nos frères musulmans. Vous pouvez prendre un seau d'eau si vous n'avez pas de l'eau de France. Bon, Voilà. Donc, je voulais juste vous faire vivre un peu ce qui s'est passé ce soir. Et là, je cherche la deuxième vidéo, je ne sais pas là où elle est. Et ça commence à m'inquiéter parce que la première a duré 1 heure. Est-ce qu'elle a été sauvegardée? Je ne sais pas. Donc, c'est là où je cherche. Il faut que je la retrouve. Ah, tiens, elle est là. Merci. Bon, là, la technique, nous avons eu un petit incident, quelqu'un qui avait du vertige, simplement parce qu'il y avait une technique qu'on appelle la technique de la purification et du renforcement des deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit ou l'hémisphère gauche. Voilà, ça c'est une. Ah, tiens, voici la première. Elle est là. Bon, je me rends compte que ça a été entrecoupé. Parce que. que. Ok, je voulais m'assurer que tout a été enregistré. Et ici. Ok. Voilà, ça c'est le début donc de la vidéo. C'est bon. Donc, voilà, vous êtes gâtés. Tout a été enregistré. Pardonnez un peu la panique, là, parce que je me disais, oh mon Dieu. Donc, voilà, vous êtes gâtés. Tout a été enregistré. Ça va être mis sous séquence. Toutes ces vidéos-là vont être disponibles. Je verrai bien avec mon technicien sur l'une des deux chaînes, soit sur Kobolo ou encore également sur Tata Nzambe le Tout-Puissant Akana. OK? Bon. Kobolo, les gens, ils aiment beaucoup plus suivre les histoires politiques, donc nous allons garder ça sur Tata Nzambe, possiblement. Mais je verrai bien avec mon fils du Kobolo, s'il veut bien qu'on fasse passer ça là-bas également, hein, pour faire profiter ceux qui n'ont pas pu assister. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé au cours de la journée d'aujourd'hui. Demain, nous allons nous retrouver à nouveau. Et donc, demain, ce sera. Disais-je, ce sera la mystique chrétienne. Et là, cette mystique chrétienne va rentrer en plein dans purement la pratique qu'on appelle la pratique théurgique. Je répète, la pratique théurgique. OK? Appelez-le comme vous voulez, d'autres appelleront la pratique magique, mais ici c'est la pratique théurgique. Donc, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Bonne soirée, je vais essayer de me reposer. Parce que là, vous avez vu la liste dans mon carnet là, j'ai encore une bonne quantité de personnes que je dois consulter demain. Mais rassurez-vous, demain, je leur dirai, j'arrête, je ne veux plus entendre parler des consultations parce que les gens confondent tout. Ils pensent que je suis un charlatan, moi. Non, j'ai peut-être le don de vision, mais ce n'est pas ça ma spécialité. Sinon, je serai tranquillement, j'ouvrirai un cabinet de consultation, que je ferai des voyages, moi, hein, à travers le monde. Mais rassurez-vous, tout le monde est très satisfait de de mon appel de consultation. À 100%, tout s'est bien passé. À la discrétion de certaines révélations et d'autres qui ont été un peu effrayants et quelques événements, c'est comme ça se passe. Puisque vous partez dans l'Ombanja, vous partez voir le Nima, bah, les secrets restent là-bas. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Pardonnez-moi, on a été interrompu. Bon, c'était indépendant, j'étais presque à la fin, c'était indépendamment de moi. Donc, présentement, nous allons. Enfin, je veux dire, je vais arrêter, juste pour vous dire que tout s'est bien passé. Pardonnez l'interruption, c'est parce que la batterie m'a lâché. Donc, la batterie m'a lâché totalement. Veuillez apprécier donc cette petite vidéo que j'ai faite, là, pour que tout le monde sache exactement ce que nous avons fait la journée d'aujourd'hui. Et la suite, ce sera demain. Je me ferai le devoir de toujours vous transmettre, hein, à travers une petite vidéo, là, sur ma chaîne. Pour vous dire ce qui se passera demain, si Tata Mwanga le veut. Mais telle est sa volonté, tout va bien se passer. Malgré les journées noires en France. Les journées noires en France ont empêché beaucoup de nos frères et sœurs qui devaient être là, c'est dommage. Mais nous allons faire avec les moyens de bord, c'est pas grave. Mais il y a eu quand même une bonne participation. Ils étaient très contents et c'est regrettable que beaucoup n'ont pas pu assister. Donc, que Teta Monga vous bénisse et bonne soirée à tous. Je n'ai pas le générique là parce que le technicien, lui, il est dans son hôtel et moi, je suis ici là, dans un autre coin de la ville du Havre. Mais prochainement, je vais me débrouiller à vous mettre le son de chez nous. Donc, que Teta Monga vous bénisse, merci encore et bonne nuit. Et bonne soirée pour ceux qui sont aux États-Unis, parce que nous avons un écart horaire de 6 heures. Et si je ne me trompe pas, bon, ici il est minuit, donc ça fait 18 heures pratiquement. Hein, 18 heures aux États-Unis. Au Gabon, c'est la même heure, il est minuit. Donc, bonne soirée et merci encore. Merci, merci beaucoup.